Cours numéro 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salat wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qala Sheikh Al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala wahdharu ayyuha shabab min du'ati adh-dhalalah fa inna du'ata adh-dhalalah al-yawm kathirun. Qad hadhara minhum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa qala innama akhsha ala ummati al-a'immata al-mudhillin الذين يقودونهم إلى الضلال. فالشيخ حفظه الله تعالى هنا نصح وحذر الشباب. Il a conseillé et il met en garde les jeunes de faire attention à du'at al-dhalal, les prêcheurs de l'égarement. هذا ça nous montre أن كلامه السابق, le fait de ne pas perdre son temps au départ dans la critique في التجريح. Ça, c'est pour celui qui n'a pas de ilm ou celui qui passe son temps à hada. Amma accepter l'ilm des savants fi hada al-bab. Et kadhalik, l'insan, il ne fait pas que ça, lakin il prend par rapport à son besoin. Fa hada c'est tayyib. Fa li hada, juste après ce conseil, et qu'on a lu ensemble dans le dars précédent, wallahi al-hamd, Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah hadhara min du'at al-dalal. Il a mis en garde contre les prêcheurs de l'égarement. Et il a écrit des livres fi hada contre certains égarés, walillahi alhamd. قال فإن دعاة الضلال اليوم كثيرون. Ils sont très très nombreux. Et ils se sont multipliés à notre époque. لماذا لأن الوسائل تنوعت. À l'époque, الدعوة c'était dans la rue ou fil masajid. À l'époque, il n'y avait pas encore les médias et l'akhir. ثم la télévision, la radio, ça a commencé, الدعوة. Elle s'est propagée un peu plus, ou plutôt ceux qui voulaient faire da'wah, ils avaient un peu plus de moyens. À notre époque, encore plus, avec Internet et les réseaux sociaux. Il y a beaucoup plus de prêcheurs. Et comme a dit le Cheikh, فَإِنَّ دُعَةَ الظَّلَالِ يَوْمْ كَثِيرٌ بَلْ c'est eux l'akthar par rapport à Ahl al-Haq. Ahl al-Haq, Ahl al-Sunnah, Salafiyun, ils sont qalides, ils sont très très peu. العلماء السنة وطلبة العلم الأفاضل يسون قليل بارابور أهل البدع والضلال فلهذا قال فإن دعاة الضلال اليوم كثيرون دونك اون دوا فير اتونسيون تستفيد من هذا أن تيكوت با تو الموند الداعي إلى الله سبحانه وتعالى اون ليكوت با باسكو بعضهم مثلا يزيكوت باسكو سي اون فيديو باسكو سي اون فيديو باسكو كيل لو فواي هذا سان رونتري دون لو سوجي اسكو Est-ce que c'est autorisé? C'est pas autorisé. On a déjà détaillé hada kathiran, walillahi alhamd. Lakin, le fait de le voir, et l'insan yartah li ru'yatih, son apparence, il est à l'aise et il aime l'écouter, ça veut pas dire qu'il est à l'haq. Kadhalik, bardom, ils sont attirés par l'éloquence. Nahou, il parle bien. Nahou, il arrive à clarifier. Ça veut pas dire qu'il est sur la vérité. Bardom, il se base sur l'origine. Nahou, s'il vient de tel pays, forcément, dans ce pays, il y a la vérité, donc il fait partie des gens de la vérité. Là, là, hada, c'est un mizan batil. Donc, comment faire? Comment faire revenir à ulama al-sunnah wa talabat al-ilm al-salafiyyin? Et tu prends l'ilm an ha'oula. Et si on prend l'ilm an ha'oula, ça va nous suffire. Lakin, on vit à une époque. Et al-haqiqa, hada, ça vient de l'éducation. Ça vient de l'environnement, le climat dans lequel on vit. Anna, annas, il goûte à l'ilm. On n'est plus dans une génération le khair hasil, wallah hamdi, reste bien sûr des talabat ilm, des savants qui font des efforts. Lakin beaucoup de gens, ils consomment l'ilm comme ils consomment les informations, comme ils consomment le sport. Ba'dhum bel, ils consomment le haram, comme ils écoutent de la musique. Ils écoutent tel chanteur, après il en a marre, il écoute un autre après. Fahakada avec ad-du'at. Et hada, c'est un tariq khatir jiddan. لماذا لأن يسفي d'un de ces prêcheurs égarés qui dit une chose très très grave et l'insan il le croit et ça peut lui faire beaucoup de mal في دينه ودنيا. Donc l'insan il doit mettre des filtres, il n'écoute pas tout le monde. أن si on se consacre, on dit pas tous les savants à un savant. Maintenant on choisit un savant et on prend la décision d'écouter ses cours, de lire ses livres, on peut même avec notre rythme qui est assez faible, ça va nous prendre toute notre vie si on finit. Un, ma balouk tous les savants, ma balouk talabat al-ilm, il a akhri. Laquelle on fait attention. La curiosité, c'est pas tayyib. Celui qui est curieux, il veut écouter hada, il veut écouter hada. Non, l'insan, si l'alim, c'est un savant de la sunna, le talib, c'est un talib qui a étudié la sunna, ou l'alhamd, inda l'ulama, et il parle bi kitabillah, ou bi sunna de rasulillah, ça nous suffit. Et alhamdoulilah, l'essentiel, kadhalik, c'est de mettre en application. On a un autre problème, c'est beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute. Belle, c'est devenu une référence. Les vues. Tel prêcheur, il a beaucoup d'abonnés. Tel prêcheur, sa vidéo, elle a tant de vues. C'est devenu un dans la référence. Et il a l'amal. C'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça. Il suffit d'un dars. Si un t'es le seul à écouter et tu mets en application, c'est une ni'ma, même si les autres, ils n'ont pas écouté. La référence, c'est devenu le nombre. هذا كذلك سافيان دو لامبيونس دون لاكيل اون في عياذا بالله. قال فقد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انما اخشى على امتي الائمه المضلين. قال في الحاشيه رواه الترمذي وابو داود وغيرهم. الحديث الى صحيح صححه الامام الالباني رحمه الله تعالى في صحيح ابي داود دون دوتخ ليفر. قال الذين يقودونهم إلى الضلال. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ce qu'il craignait pour nous, c'était هؤلاء الأئمة المضلين. Ces égarés. Ça nous montre quoi? Ça nous montre أن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم, il les a appelés أئمة, des imams. Et un imam, c'est celui qui a des suiveurs. Un imam, c'est un guide. Donc ça nous montre que le fait d'avoir des suiveurs, c'est pas suffisant. Ben, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré dans ce hadith que certains imams, certains prêcheurs, c'étaient des égarés. Et, comme a dit le shir, à notre époque, ils sont très très nombreux. Fal hadar. Qala, wa qala sallallahu alayhi wa sallam, inna akhwaf ma akhaf ala ummati kulla munafiqin alimil lisan. Wa hakada, al hadith il est sahih. Fil sahiha de Cheikh al-Albani, rahmatullah alayhi. Et, à la base, il est dans Musnad al-Imam Ahmed, rahimahullah, min hadith Umar, radiyallahu anhu. « Inna akhwaf ma akhaf ala ummati, kulla munafiqin alimil lisan. » Ça nous montre quoi? L'insan, il peut être égaré à cause de l'éloquence du prêcheur. « Falihada al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, khaf ala l'umma de ha'oula. » Et dans ce hadith, il les a appelés munafiq, des hypocrites. Enfin, c'est pour ça que certains prêcheurs, ils ont du nifaq. Ben, certains prêcheurs, ils ont du nifaq clair. Ils combattent l'islam et leur prêche, c'est un profit pour les kuffars. Falihada, certains prêcheurs, ils yata'anoun fi sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur les gouverneurs, sur les savants, sur les textes. Certains prêcheurs, leur activité, c'est devenu quoi? Atta'an fil haq. Ils ne montrent plus aux gens at-tawhid, comment faire salat, comment. Abadan! C'est que pour propager des ambiguïtés. Un haram, il faut qu'il le rende halal. Une sunna, il faut qu'il montre que c'est du radicalisme, il a arrêté. Haoula, c'est des du'at dhalal. Et wa'aduhum usibu bihada nifaq, ayyadan billah. Qala ay min indahu fasaha wa balagha wa yastati' an yurawij ash-shubah wa yuzayif al-haqa'iq wa yulqiha ala al-nas. فيحسبها الجاهل أنها علم وأنها حجة وهي سراب خاضع. أي نعم، الإنسان en général il est attiré par هذا par les personnes éloquentes. خاصة quand il maîtrise la langue arabe, encore plus quand il cite des adillah, encore plus quand c'est un hafid. Il cite des versets du Coran Karim, des hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام. Tout cela c'est pas suffisant. Si ce prêcheur il suit pas le Coran et la sunna selon la compréhension des salaf salih, ça, c'est pas suffisant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce prêcheur, il peut avoir du ilm. Et ça, c'est un point important. Ne pas comprendre que les prêcheurs égarés, c'est tous des ignorants. Là, certains égarés, ils ont du ilm dans certains points. Mais on n'a pas le droit de prendre ce ilm. Et à cause de la négligence dans ce point, mais il a de la science. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال كل منافق عليم اللسان عليم الى دو علم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخوف ما اخاف على امتي. النبي صلى الله عليه وسلم il a craint pour nous cela. Donc tu ne dois pas chercher العلم à tout prix. Là tu dois chercher العلم النافع عند الصالحين عند علماء السنه. Si on a compris cette différence, alhamdoulillah, on comprendra beaucoup de choses. Les Al-Wa'd, quand tu les mets en garde, ils disent, mais il a de la science. Ah, mais il a de la science et de l'égarement. Et c'est encore plus grave. Ah, ben, ça serait un ignorant, personne ne l'écouterait. On vit à une époque, même certains ignorants, ils font da'wah, ils sont écoutés. Lakin, à la base, l'ignorant, il attire beaucoup moins. Même si l'ignorant, il est suivi, l'ignorant, il est très vite démasqué. C'est pour ça que certains ignorants, ils font da'wah un mois, un an, deux ans, thumma, imma, ils retombent dans le dunya, imma, ils sont démasqués, ils font certaines choses, c'est très grave, les gens, ils les délaissent. Amma, al-akhtar, c'est ha'oula. Ha'oula, qui ont du ilm dans la langue arabe, qui ont du ilm dans al-hadith, dans certains domaines, et, ayyadun billah, yukhalifuna as-salaf. Que ça soit concernant les gouverneurs, que ça soit dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ça soit tout ce qui est lié avec Ahlul Bida'i wal Ahwa, ou annahum, ils font partie d'un groupe zégaré, comme les Khwan, comme les Khawarij, ila akhri. Hada, c'est le plus grave. Qala fa'alaykum bit tawajjuh li talab al ilm wa talaqqi ala ahlihi al ma'rufin bih wa la taqtasiru ala qira'ati al kutub. Ta'ammal qawluhu wa talaqqi ala ahlihi al ma'rufin bih. On doit revenir à ha'oula. Al-ma'roufoun bit-talab bil-ilm. Tu trouves ba'da an-nas, ils délaissent ilm al-ulama. Que ce soit les ulama anciens ou les ulama contemporains. Kadalik, les contemporains, qu'ils soient morts ou vivants, ils délaissent ilm ha'oula. Et tu le trouves, il suit un prêcheur inconnu. Ou beaucoup de doutes sur lui. Ah oui, il fait partie d'un groupe Iyadam Billah égaré. Ça, c'est exposer son din au khatar. C'est pour ça que Al-Wudu' c'est tayyib. Matalan testavid min hada Al-Allam. Cheikh Saleh Al-Fawzan, Havidahullah. C'est remarqué que ces livres très très simples. L'imada, les Annaous, c'est un savant de la sunna et son objectif, c'est de propager la vérité. C'est pas de se montrer. Tu trouves Ardal Mubtilin, ils ont de l'éloquence. Et ils ont un takalluf ajib. Et ils ont de la science dans la langue arabe. Lakin, takalluf. Takalluf, ils veulent se montrer. Et ils essayent de faire du sajj dans le kalam, des rimes. Ils essayent de citer des vers de poésie. Et takalluf, à la fin, celui qui écoute, il n'a pas compris grand-chose. Et Hagada, ils propagent leur bid'a en même temps. Amma, alim sunna, son objectif, c'est pas de se montrer abadan. Son objectif, c'est de montrer simplement aux gens din Allah azza wa jal. Et nous, en tant que, on essaye de rechercher cette science, notre but, ça doit être de mettre en application. Notre but, c'est pas de rechercher la belle voix, de rechercher l'éloquent. Regardons qu'Annahoum, il recherche l'exclusivité. Annahoum, un prêcheur que personne connaît. Et Thumma, il essaye de propager, j'ai trouvé tel prêcheur. C'est pas la voix des salafs, hein, là. Ben, les salafs, ils mettaient en garde contre Al-Gharaib, les choses étranges, les choses pas connues. Les malades, les ulama, ils sont connus. Ceux qu'ils ont étudié, très simplement, tu peux savoir, il a étudié où, tu sauras qu'est-ce qu'il a appris, d'où il vient. Wallah al-musta'an. Haqiqa, c'est des choses très très simples à la base, là, qu'on vit à une époque. Allah y'in. Qala, wala taqtasiru ala qira'ati al-kutub. Ou ala sama'i al-ashrita. Taqaddamat hadhihi an-nasiha. Aïe, le fait de prendre l'ilm que des livres ou des audios. فَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ اتَّخَذُوا هَذِهِ طَرِيقَةً لِلتَّعَلُّمِ يَقْرَأَ أَحَدُهُمْ فِي الْكُتُبِ أَوْ يَسْتَمِعُ لِلْأَشْرِطَةِ وَيَقُولُ أَنَا أَخَذْتُ عَنْ فُلَانٍ مِنْ كِتَابِهِ أَوْ مِنْ شَرِيطِهِ وَهَذَا غَلَطٌ كَبِيرٌ. نعم, تقدم معنا أنه ça suffit pas. Ça suffit pas. خاصة celui qui peut. Celui qui a les moyens d'apprendre عند العلماء. أما celui qui ne peut pas voyager. Dans son pays, il n'y a pas de savants. Dans son pays, il n'y a pas de talabat ilm qui donne des cours. Et il se retrouve seul. Fait هذا الحال, لا شك أنه يستفيد من الكتب, لكن dans l'ordre. Il commence par des livres simples. كذلك, ces livres, il essaye d'écouter des explications de savants. مثلا, كتاب توحيد, il écoute l'explication d'un savant. S'il ne comprend pas l'arabe, d'un talib ilm, et بإذن الله عز وجل, il avance tout doucement. Il ne se précipite pas. Quand il a un doute, il demande. Et dans ce cas, il ne s'expose pas, il ne se met pas en avant. Ça demande du temps, خاصةً tout seul. C'est pour ça que l'ulama yaqulun anna celui qui étudie avec un alim, en un an, deux ans, maintenant il va avancer. Amma celui qui lit des livres seul, ou qui écoute des audios, en un an, deux ans, il n'avancera jamais comme celui qui étudie عند l'ulama. Donc on fait attention à hada. قال وهذا غلط كبير العلم يؤخذ عن العلماء وإنما هذه الكتب معينة ووسيلة تستخدم مع العالم ويسأل عنها ويشرحها ويبينها يبين الحق من الخطأ فيها نعم donc صدق أن ces livres et ces audios c'est des وسائل c'est un moyen mais la véritable méthodologie pour apprendre العلم c'est الجلوس عند العلماء patienter et s'asseoir عند العلماء. قال فأنت مثلا لو أردت أن تتعلم الطب هل تقرأ كتب الطب؟ هذا مثال طيب. Cet exemple avec la médecine. Est-ce que si tu vas apprendre la médecine, ça suffit que tu lis des livres? مثلا tu vas à la bibliothèque ou dans une librairie et tu te renseignes ou sur internet et tu commences à lire des livres. On te montre tel livre, des livres de base dans la médecine, et tu commences à lire tout seul. Est-ce que ça va être suffisant? قال ثم يطبقها. Il lit des livres, ثم il veut mettre en application. Il a lu un livre, Madalène, sur telle maladie, il faut faire telle chose. Est-ce que هذا il va pouvoir mettre en application là? قال وتعالج الناس من خلال قراءتك للكتب. Est-ce que واحد il va oser soigner les autres, faire des opérations, des visites? لماذا لأنه إلى أتدي لا ميتسين سل نضيله قال فربما تقتل الكثير من الناس بهذه الطريقة لأنك لست طبيبا وإنما أنت متطبب صحيح أن si quelqu'un ferait cela il pourrait causer la mort de plusieurs personnes faire beaucoup de mal c'est pour ça que personne n'ose faire cela أولا c'est interdit et كذلك vu que les gens ils tiennent beaucoup à leur santé personne n'emmènera ses enfants chez Wahed. C'est pas un médecin. Là, il a lu faqat dans des livres. Abadan. Ou lui-même. Là, limada, on tient à notre santé, à notre corps, et c'est tout à fait normal. Mais l'ilm, c'est encore plus important. Limada, on expose notre cœur, notre din, au khatar, au danger, en écoutant n'importe qui, alors que pour notre santé, on fait beaucoup d'efforts. Wardenaz, vous avez remarqué que le médecin, il faut pas seulement qu'il a étudié dans une école des diplômes là, il regarde Matalan, où est-ce qu'il a étudié? Matalan, s'il a étudié en Europe, fa'indahum, c'est beaucoup mieux que s'il a étudié dans certains pays. Et ça, c'est normal. C'est normal, certains pays sont beaucoup plus avancés. Donc, on regarde, les hôpitaux, c'est la même chose. Certains hôpitaux, bardenas, ils vont pas, ils ont une mauvaise réputation. Pourtant, il y a des médecins, des docteurs, et ils cherchent toujours l'excellence. Et c'est normal. Enfin, pourquoi fait l'ilm, on ne fait pas comme cela. On n'écoute pas n'importe qui. C'est pas tous ceux qui ont étudié, non, ils peuvent enseigner. On parle de ceux qui ont étudié, mais balouk, celui qui n'a pas étudié. Mais balouk, on vit à une époque, wallahi wa'aduhum, ils font da'wah, ils ne savent pas parler. Al-kalam, que ce soit l'arabe, même le français, wa'aduhum, ils ont du mal. Thumma, yatakallamoun. Thumma, quand tu recherches d'où il vient, personne ne sait d'où il vient, tu trouves, là, il a des suiveurs. Allez, c'est une moussiba. C'est une moussiba et l'haqiqa, c'est jouer avec le feu. Et celui qui joue avec le feu, il finit par se brûler. قال وقد جاء الوعيد على من تطبب وهو لا يحسن الطب. من تطبب, vous avez remarqué, ça ressemble au mot طب. الطب, c'est la médecine. من تطبب, c'est celui qui veut faire le médecin alors que ce n'est pas un médecin. وقد جاء الوعيد. Il n'a pas cité le hadith. Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله تعالى. Et on peut le citer, قوله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. Celui qui veut faire le médecin, من تطبب, il veut soigner les gens, il se met en avant, il a akhiré, ولم يعلم منه طب, alors qu'il n'est pas connu pour être un médecin, قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضامن. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il fait du mal à quelqu'un, ou il cause la mort de quelqu'un, c'est lui le responsable. Il devra payer. Il devra rendre des comptes. Enfin, que dire fi din Allah Azza wa Jal? قال شيخ الفوزان هذا في الطب فكيف بالدين والعلم وأنت لم تتعلم على الطريقة الصحيحة؟ بعض الناس, à cause de leurs paroles, ils se mettent en avant, ou ils répondent à des questions. Et à notre époque, on répète, c'est très très simple. Un message, il répond. Des questions, des fois, c'est des questions très très importantes. Wallah, des sujets, il n'y a que les ulama qui doivent parler. Et tu trouves, à notre époque, beaucoup de gens y parlent. Ils ont causé des divorces. Ils ont causé des ruptures, ils ont causé des divisions dans des familles. Wallahi, pardon, ils parlent plus à leurs frères, à leurs pères, à leurs mères, à cause de certains qui lui ont fait croire que telle chose c'était authentique, qu'il fallait faire comme cela. Ah, c'est très très grave. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait du mal aux autres, il se prétend médecin. Peut-être qu'il a été la cause, on peut citer un exemple, Batalan, il lui a fait quelque chose, sa main elle est devenue paralysée. Il est dhamin. Il est dhamin, il doit payer. Il y en a sept hommes ou sept femmes, ils ont perdu leur main. Celui qui s'égare dans son dîn à cause de Wahed. Mabalouk celui qui a divorcé sa femme à cause d'un autre. Mabalouk celui qui a fait des choses qui ont fait beaucoup de mal. Bardoum, ils ont divisé des masajid. Un masjid entier, un groupe de musulmans dans une ville, ils sont tous divisés à cause de certains égarés et certains ignorants. Fala aboud min al-khouf min Allah. Alors ça revient à khashiyatullah. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il prendra jamais cette responsabilité. Et si Allah subhanahu wa ta'ala et il est capable de donner, il fait très très attention et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que l'ulama, c'est les gens qui s'écartent le plus de le fait de se mettre en avant. Ils savent que yawm al-qiyamah, ils seront responsables. Ils auront des comptes à rendre. C'est pour ça qu'ils font attention et ils font du khayr, walillahilhamd. Amma al-jahil, al-ghafil, celui qui est ignorant, insouciant, il pense à la popularité. Annahu, il veut faire du bien. Et par exemple, il se sent responsable. Si je parle pas, si je réponds pas, qui c'est qui va lui montrer? Si tu sais pas, akhi, truk an-nas lillah, azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala, il est arham mink. Il y en a certains, ça part de la bonne intention. Lakin, tu sais pas, tu sais pas. Celui qui se trompe, celui qui s'égare, celui qui se fait du mal, si tu sais pas, kif, tu vas te faire du mal pour sauver quelqu'un. Adalayajouz. Adalayajouz. Ala kulli hal, si tu veux aider, fais des efforts, fais l'ilm. Apprends. Apprends. Au lieu de parler, là, on est dans une période, nahnu, on ne doit pas beaucoup parler. Là, madalane, tu te fixes. 5 ans, 10 ans, tu fais beaucoup d'efforts, fais l'ilm. T'as pas besoin de parler, t'exposer, reste, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, satarak, et adore Allah subhanahu wa ta'ala, hatta taqa, il fait des efforts. Et Allah subhanahu wa ta'ala, si tu es sincère, tu fais des efforts, il t'élèvera. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darajat. Et quand tu parleras, ton kalam, walillahilhamd, il aura du poids, et tu feras beaucoup de bien, et tu seras une cause de guider pour les autres, de rassemblement à l'al-haq, de walillahi alhamd, de taqma' al-bid'a wa ahliha. Tu seras une cause, tu feras beaucoup de mal à l'innovation et aux innovateurs, et tu feras beaucoup de bien aux croyants et aux gens de la sunna, walillahi alhamd. Mais une parole, et ça divise tous les frères de la sunna, c'est pas du ilm. L'ilm, ça divise pas. L'ilm, ça divise entre le haq ou le batil. Mais ahlul haq, ça les divise, c'est qu'il y a un problème. قال فكيف بالدين والعلم وأنت لم تتعلم على الطريقة الصحيحة وإنما تعلمت عن طريق شريط سمعته أو كتاب قرأته أو قيل لك. Ça, c'est une مصيبة. بعضهم صحيح أنهم ils ont jamais étudié à part quelques livres, à part quelques audios. Et بعضهم c'est قيل له. Et on lui a dit, il a entendu. Ça, c'est une مصيبة. بعض الناس ils disent un كلام خطير. Des paroles très très graves. Ça implique des choses importante, quand tu lui demandes, on m'a dit, ou j'ai entendu, ou j'ai lu, ni masdar, ni référence, ou le shay. Ah, c'est très très grave. Ah, ça nous montre, et on le répète, on doit rester à notre place. On doit rester à notre place. Vu que on vit à une époque où beaucoup de gens ne sont plus à leur place, ça s'est mélangé. Wallah, tu trouves du'at al-jahl. On parle même pas le munharifoun min ahl al-bid'a. Certains qui ont du ilm, qui ont un certain niveau et c'est des égarés. On parle même pas de cela. On parle maintenant en Europe ou autre. Certains, wallah, ils ont des milliers de suiveurs dans les réseaux sociaux. Pardon, ils ont plus de suiveurs que certains savants. L'imad, il y en a, ça s'est mélangé. Pourquoi les ananas, ils ne reconnaissent plus le haq du savant. Ils reconnaissent plus le haq de la vérité. Beaucoup d'entre eux, ben ça se mélange. Et Ahlou, Al-Kufr ou Al-Nifaq, ils en profitent. Vu qu'ils savent qu'on vit à une époque maintenant, C'est plus les assises dans les masajides pour la plupart. C'est plus les livres. Là, c'est les réseaux sociaux. Et ils en profitent. C'est pour ça que tous les jours, tu entends un prêcheur min haoula abdullah. Du jour au lendemain, ma tadri, d'où il vient, son origine, et du jour au lendemain, ça devient un prêcheur. Et tu le trouves avec des suiveurs. Kadalik nastavid min hadha, on doit faire des efforts fil ilm pour répondre. Léana As-Sunni ne doit pas rester spectateur. Là, si tu as de la rire, tu as de la rire et ça te fait mal, ces égarés qui font du mal aux musulmans, ne te laisse pas emporter par la fougue. Ne te laisse pas emporter par la colère et les passions. Isbir, patiente, et cette énergie que tu as, hadihi al-ghira, l'idine Allah Azza wa Jal, place-la fil ilm. Fais des efforts. Et très très rapidement, bi-idhni Allah Azza wa Jal, tu vas progresser et tu pourras répondre. Maintenant, on doit mettre en garde contre un ou là, on doit réfuter et on doit être une cause pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala hadha laysa tariqu ilmin wa innama naqul tastafid min al-kutub wa tastafid min al-ashrita ma'a julusika ma'a ahli al-ilm. Peux profiter des livres, bien sûr, ben c'est très très important. Tu dois écouter des audios, c'est très très important. Lakin, revenir aux savants de la sunna. Kadhalik, on conseille nos frères à faire des efforts pour pouvoir profiter de l'ulama. Mitla ce qu'on fait ensemble, c'est pour s'entraider. C'est pour s'entraider. On espère très rapidement que nos frères ils prennent l'ilm directement de l'ulama en arabe. Et yajtahiduna fi l'ilm. Et eux-mêmes, bi'idhnillah azza wa jalla, ils pourront aider leurs frères débutants qui ne comprennent pas encore la langue arabe ou qui n'ont pas accès à la science des savants directement. Amma, on revient à des tullab, à des étudiants, et on n'a plus aucun lien avec les savants. Enfin, hada, c'est un khata. On n'est pas là pour avoir des suiveurs. On n'est pas là pour que les gens ils nous suivent. Abadan. On essaye d'être un tremplin pour que les gens ils prennent de ahl al-ilm. Wallahu musta'an. Qala, وما أشكل عليك مما قرأته أو سمعته تسأل عنه المعلم. فهذا سي أن بوان طيب، طريقة جميلة. دونك ميم سي اون لي لي ليفر اون ايكوت دي اوديو سورتو سو اون با اكسي او علم دي سافون ديريكتومون، لكن عند الإشكال اون روفيان او سافون دو لا سنة. وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر قال وأهل الذكر هم أهل العلم فلا تعتمد على فهمك أو فهم غيرك لأن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر demandez à أهل الذكر ça nous montre qu'on ne demande pas à n'importe qui. Allah subhanahu wa ta'ala il a pas dit فاسألوا المؤمنين أو tes proches أو ton ami لا قال أهل الذكر des personnes bien précises c'est qui هؤلاء c'est أهل العلم أهل الذكر C'est les savants. Fallait à la qal, fallait t'attamid à la fahmik. Là, tu penses que tu as compris. Kam min mas'ala, ahyanan, tu penses que tu as compris. Un verset, un hadith, une mas'ala. Quand tu reviens au kalam des savants, c'est autre chose. Enfin, si on se précipite dans ce cas-là, sans revenir aux savants, et on explique les choses avec notre compréhension à nous, on fera beaucoup de dégâts. Qala, au fahm ghayrik, mimman huwa mitluk, au dounak. Et ça, c'est important. Ne pas revenir faire l'ilm à quelqu'un de comme toi. Là. Là, tu dois revenir l'ilm à quelqu'un qui a plus de ilm que toi. Et comme a dit le shir, ou dounak. Certains, ils écoutent ou ils demandent à des gens, wallah, ils ont moins de ilm qu'eux. Ou ils font moins d'efforts qu'eux. Fahada la, la yambari. قال بل عليك أن تسأل أهل العلم ولا ولا نعم ولم يقل الله فاسألوا بعضكم بعضا بل قال فاسألوا أهل الذكر خاصة et ça c'est un point important كذلك différencier entre le fait de profiter du ilm d'un talib d'un étudiant خاصة on répète ceux qui n'ont pas accès à la science des savants هذا c'est طيب les savants ils encouragent à هذا de faire da'wa de s'entraider هذا c'est طيب Ne pas mélanger entre le fait de prendre un cours chez un frère et s'entraider, et ce frère, cet étudiant, il enseigne ce qu'il a appris aux autres, et que cet étudiant, ça devient une référence. Fil fatwa et on revient à lui dans tout. Là, il y a un baril. Surtout dans certains sujets. Surtout dans certains sujets très très graves. On doit s'habituer à revenir à Ahlul Ilm. Wallahi, dans notre époque, c'est facilité. Si un tas, tu peux pas les contacter, enfin, certains de tes frères, ils peuvent contacter certains savants, et t'asbir. Hatta, incha'Allah ta'ala, tu as ta réponse. Amma se précipiter, khalas, le premier qui ouvre un cours, ça devient un mufti. Pour moi, certains, c'est devenu une cause que certains étudiants, ils tombent dans le fitan. Là, cet étudiant, il n'arrive pas à se maîtriser et il répond, thumma, il fait des dégâts, thumma, ça lui fait des problèmes. On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. L'ilm, c'est du nour, c'est une lumière. L'ilm, ça ne doit pas être une cause de soucis, de division. Ah, toujours cette étape. On a une question, surtout les questions importantes, encore plus fil nawazil, des choses concernant tout un pays, concernant tout un peuple, des courses, des choses concernant les divorces, des familles, et la akhirah, fa fi hadha al-hal at-ta'anni. Al-hal, on se précipite pas, on revient à ahlul ilm, alhamdulillah, hatta on arrive à comprendre le sujet. Qala fa hadhihi nasihatun li jami' al-shabab an يتوجه لطلب العلم النافع ويأخذ العلم عن العلماء الموثوقين بعلمهم وتقواهم لله عز وجل. نصيحة جميلة. Donc ce passage, c'était une nasiha pour les jeunes qui veulent faire na'am, des efforts fi ma'la fi al-ilm. Fi al-ilm. Et là, ils ont besoin d'être encadrés. Et parmi les premières choses, c'est que quand un jeune, il veut faire des efforts fi al-ilm, et yastaqim ala sunnat rasulillah, un des premiers conseils qu'on peut donner à ces jeunes, c'est les sources. Fais attention. Fais attention Internet. Fais attention les réseaux sociaux. Fais attention de ne pas écouter le premier venu. Là, هذا العلم له رجال. Cette science, elle a des personnes qui la propagent, des personnes qui ont fait beaucoup de sacrifices, les savants de la sunna. Enfin, on revient à eux. Et c'est eux notre référence, et c'est eux qui nous aident à comprendre les textes. ثم قال قال بعض السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم ثبت هذا عن ابن سيرين رحمه الله كما في الحاشية. إن هذا العلم دين. أي ce علم que tu vas apprendre, c'est ton دين. C'est ta religion. Le Coran et le Sunna, c'est les fondements de la religion. Donc fais attention. فانظروا عمن تأخذون دينكم. Fais attention. فلهذا جاء عن بعض السلف أنهم quand ils voulaient prendre العلم عن واحد ils lui posaient des questions حتى البعض يظنون أنهم c'était par rapport au mariage. Est-ce que c'est pour une demande de mariage ou من هذا الباب, tellement qu'il y avait des questions. لماذا لأن هؤلاء faisaient attention. Faisaient attention, ils savaient que هذا العلم c'est du دين, et هذا الدين c'est une ni'ma belle, c'est le plus grand bienfait. Ils faisaient tout pour le préserver. Avant d'écouter, avant de m'asseoir, je dois savoir c'est qui. J'ai un doute, alhamdulillah, sans accuser le frère, j'ai un doute. J'écoute quelqu'un qui a aucun doute. Wallillahi alhamd. قال فهل تأخذ دينك عن جاهل أو مضلل هذا لا يصلح أو تأخذ دينك عن كتاب كل هذا لا يصلح لا تأخذ دينك إلا عن عالم تقي هذا تقدم. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فخذ من العلماء الذين يخشون الله بشرطين أن يكون عالما وأن يخشى الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. طبعا بعد يقول يا كل علماء كي كخني الله, لكن هنا إنما يخشى الله أي حق الخشية أي la véritable crainte c'est العلماء. أما les autres même si كخني الله عز وجل c'est pas comme العلماء à cause de leur faiblesse dans la science, dans la compréhension إلى آخره. Donc العلماء c'est ceux qui ont du علم bien sûr, et كذلك أنهم يخشون الله عز وجل يمت en application leur علم. قال فإذا كان عالما لا يخشى الله فلا تأخذ عنه وإن كان يخشى الله لكن ليس بعالم فلا تأخذ عنه. نعم سيلا دو لا سيونس لكن يمت en application, يمت en application, ربما c'est un فاسق, ربما c'est un منحرف malgré sa science, فلا prends pas de lui. أما si craint الله عز وجل fait beaucoup d'efforts dans l'adoration لكن il n'a pas d'ilm, كذلك on prend pas de lui. Et on l'aime fillah, on le respecte pour les efforts qu'il fait, lakin que ça devienne une référence parce qu'il fait des efforts dans l'adoration, fahada kadhalik, c'est un problème. بعض الناس quand ils voient واحد qui fait des efforts, il est souvent mujid, il est souvent le Coran, il fait des efforts dans l'adoration, dans le siyam, ça devient une référence, ils reviennent à lui pour leurs questions. Et là, c'est très très grave. Et en général, cet adorateur, vu qu'il est ignorant, et il aime le bien, et il veut le bien pour les autres, en général, il a du mal à se maîtriser. Il se fait du mal et il fait du mal aux autres. C'est très très important de mettre chacun à sa place. قال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. تذكرون هذا الحديث تقدم معنا في باب التوبة من رياض الصالحين، هي الاستوار دو لوم كي ا توي 100 بيرسون. دونك سيت هوم الى توي 99 بيرسون، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. دونك الى دوموندي pour pouvoir poser une question à la personne qui a le plus de science. Ah, il voulait poser sa question, est-ce qu'il peut se repentir. فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ. Il lui a montré un rahib. Un rahib, c'est un abid, quelqu'un qui fait beaucoup d'adoration. فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ 99 نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ لَا فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ 100. Quand cet homme qui a tué 99 personnes a demandé à cet adorateur pour pouvoir faire tawbah, il lui a dit là. لماذا لأن pour cet ignorant qui était adorateur, pour lui c'était trop. 99 personnes c'est énorme, et là chaque c'est très très grave. Un meurtre c'est grave. Ma balou 99. Enfin pour lui c'était pas possible de faire tawbah à cause de son ignorance. À cause de son ignorance. Alors que rahmatullah subhanahu wa taala wasi'at kulla shay. Allah subhanahu wa taala c'est arhamur rahimin. Et Allah subhanahu wa taala yakbal tawbat abdihi. يقبل توبة عبده إذا تاب. Bien sûr avec certaines conditions qu'on a vu قبل الغرغرة avant la fin des temps. على كل حال cet homme il pouvait faire توبة، لكن l'adorateur à cause de son ignorance il a dit لا فقتله، il l'a tué. Donc il a tué 100 personnes. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة. ثم ils lui ont montré un véritable savant. Et il lui a exposé son problème, sa question. Il a tué 100 personnes, est-ce qu'il peut faire tawbah? Enfin, le savant, il a répondu, na'am, wa man yahoul baynahu wa bayna at-tawbah. Enzuru, l'ignorant, il s'est fait beaucoup de mal. Bel, il a été la cause de son propre meurtre. Et ta'ammalu la réponse du savant, na'am, wa man yahoul baynahu wa bayna Allah. Le savant, c'est une rahma pour les autres. Pourquoi? Li'anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était une miséricorde. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et les savants, c'est warathatul anbiya. Enfin, ils ont une part fi hadhihi ar-rahma. C'est pour ça que cet homme, il a été une cause que le meurtrier, il a fait at-tawbah. Qala intaliq. Thumma ta'ammalu le savant. Il lui a répondu à sa question. Annahu, il peut faire tawbah. Thumma, il l'a conseillé. Intaliq ila ardi kada wa kada fa inna biha unasun ya'budun Allah ta'ala fa'abudillah ma'ahum. Wa la tarji ila ardik fa innaha ardu su. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ثم il lui a conseillé de quitter sa terre à cause de tous les problèmes qu'il avait, les mauvaises fréquentations et l'akhir. Il lui a ordonné ou conseillé de se déplacer dans une terre où il y avait des gens pieux pour pouvoir wallahi alhamd appliquer sa tauba. Ça nous montre que la tauba elle est plus facile quand l'insan est dans un entourage qui aide et qui l'aide à appliquer. Khassatan au départ. Il y en a celui qui fait tawbah au départ. Il est encore attiré par certaines choses. Il a encore des faiblesses. Enfin, s'il reste au milieu de ses anciennes fréquentations qui, Rabbama, c'est lui qui les poussait au mal, ou c'est eux, enfin, peut-être qu'il sera touché très rapidement. Qala. Faqalat malaikatur rahma ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala. وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدم فجعلوه بينهم أي حكما. نعم quand il est mort رحمه الله les anges de la miséricorde et les anges du châtiment ils voulaient reprendre son âme. فقالوا قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. Quand ils ont mesuré, il était plus proche de la terre qu'ils voulaient rejoindre. Donc les anges de la miséricorde, ils ont repris son âme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté son repentir. قال وفي رواية في الصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تبعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيس ما بينها أو ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بالشبر فغفر له وفي رواية فنأى بصدره نحوها. على كل حال هذا الرجل الله سبحانه وتعالى إلى أكسبتي son repentir. Donc, pourquoi Cheikh Al-Fawzan, hawidallah, il a cité hadha al-hadith pour montrer l'importance de demander aux gens de science. Falihada qal, kullu hadha al-khayr, hasala lah bisabab su'ali al-alim. Amma al-abid al-jahil, fa antum araftum ma hasala minh. L'âme, il a été tué. Amma tout ce bien, c'était quoi la cause? La question qu'il a posée au savant. Le savant lui a dit, fais tawba, tu peux faire tawba. Il a fait, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté. قال وهذا فرق بين جواب الجاهل وجواب العالم. Ce hadith, sahih, c'est un exemple tayyib pour savoir la différence entre les réponses d'un ignorant ou les réponses d'un savant. Avec ce hadith, on dort, ça peut mener où? Ça peut mener au meurtre ou ça peut mener à être la cause d'un énorme bien. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على السائر الكواكب. فما الفرق بين القمر والكوكب؟ القمر يضيء الدنيا للناس أما الكوكب فإنما يضيء لنفسه. نعم الحديث صححه الإمام الألباني في صحيح أبي داود. فضل العالم على العابد. La différence entre le savant et العابد l'adorateur, c'est comme la différence entre القمر et سائر الكواكب. C'est comme la différence entre la lune et les autres étoiles. قال الشيخ الفوزان فما الفرق؟ C'est quoi la différence؟ قال القمر يضيء الدنيا للناس. صحيح. خاصةً au milieu du mois, quand la lune elle est pleine, et quand il n'y a pas de nuages, fait la lune elle éclaire la dunya. Dans certains endroits où il n'y a pas d'électricité, tu es pas en plein jour, là, quand tu vois très bien, et tu sens cette lumière, et tu vois cette lumière. أَمَّا الْكَوْكَبْ قَالَ فَإِنَّمَا يُضِي لِنَفْسِهِ أَمَّا les étoiles, quand maintenant il n'y a plus la lune, ou la lune elle est très petite, le croissant de lune il est très petit, tu ne vois rien en pleine nuit. Pourtant, il y a beaucoup d'étoiles. Il y en a les étoiles, ils éclairent pas les autres. Les étoiles, ils s'illuminent eux-mêmes. هكذا العابد. العابد, il a du khayr. Il a du khayr et tu vois de la lumière sur les visages de هؤلاء qui font beaucoup d'adoration. Là, cette lumière, elle est limitée à eux. أما العالم فيفيد بيان ألو مام أوزوتر بإذن الله عز وجل. قال والعابد إنما عبادته قاصرة عليه ولا يستفيد منها الناس. أما العالم فينفعه فنفعه يتعدى مثل ضوء القمر يتعدى إلى الناس فلا تزهدوا بالعلماء. C'est ça la conclusion. On ne doit pas délaisser les savants. On doit donner beaucoup d'importance aux savants. C'est une rahma pour la communauté. C'est une cause pour se rassembler. C'est une cause pour comprendre din. C'est une cause pour avancer fait l'ilm. قال بل عليكم بالإقبال عليهم والأخذ عنهم وسؤالهم ما داموا موجودين فيكم. C'est une ni'ma. On vit à une époque où Allah il y a encore des savants, le khayr mawjoud. On ne sait pas ce qui adviendra plus tard. Donc on doit en profiter. On doit en profiter, revenir à eux. Et qu'on ne doit pas les oublier fait le dua. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les assiste et qu'il leur facilite. قال ولا تعتمدوا على فهمكم أو فهم جهال أو متعالمين لم يتعلموا على أهل العلم وإنما تعلموا على أنفسهم أو على أمثالهم. وهذا إن شاء الله سيكون pour notre prochain cours. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. ونكتفي بهذا. Demain Inch'Allah, il n'y a pas cours, on est lundi, donc on se donne rendez-vous mardi, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.